Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les, puis jetez-les, puis jetez-les, puis jetez-les, puis jetez-les, puis jetez-les, puis jetez-les, puis jetez-les, puis jetez-les. Vous allez crever. Vous êtes des animaux. C'est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Nous sommes en guerre. Mais l'ennemi est là. Nous sommes en guerre. Vous allez crever. Vous êtes des animaux. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Nous sommes en guerre. La meilleure prévention, ce sont ce qu'on appelle les gestes barrières contre le virus. Les masques, se tenir à distance. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Vous avez vu travailler dans les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Everybody's always thinking of the past. Or they say everything used to be better. And if their minds are not in the past, then they are worried about the future. But I got something better in mind. Something better for all of us. How about we start to enjoy the now? Listen to me now.

my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity, infinity. 10, we're ready to go, go. Turn it up, turn it up. Posing on the gram like whoa, whoa. Ready for the camera on show, show. Click then, we're ready to go, go. Turn it up, turn it up. Turn it up, turn it up. Go, turn it up, turn it up. Turn it up, turn it up. Go, turn it up, turn it up. Turn it up, turn it up. Go, turn it up, turn it up. Turn it up, turn it up. Turn it up, turn it up. di ghetto. Clubbing on some smooth shit. said I'll forget. After party, getting naughty. Won't you party? No regrets. Smoke, sex, drunk mess. Crazy night that I'll forget. After party, getting naughty. Want your body? Fire in the belly enough to explode into a blaze of energy, and then we let it all out.